Lord really wants us to learn and grow fast. Amen. Der Herr möchte, dass wir lernen und schnell wachsen. L'Éternel veut qu'on puisse vraiment apprendre et à à apprendre vraiment être vite. Amen. Amen. What can we not leave for Christ? Agrandir vite. Was können wir für Christus nicht zurücklassen? Qu'est-ce qu'on peut pas laisser pour l'Éternel? Amen. Il veut qu'on puisse grandir vite. Et c'est le message d'aujourd'hui est que qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser pour Jésus-Christ? What can we not leave for Christ Jesus? Was können wir für Christus nicht zurücklassen? Qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser pour Jésus-Christ? Please don't look for any opportunity to obey the voice of Satan. Suche bitte nicht nach einer Gelegenheit, der Stimme des Satans zu gehorchen. Ne cherche pas une opportunité pour obéir la voix du diable. Don't look for any opportunity to be one with them. Suche nicht nach einer Gelegenheit, eins mit ihnen zu sein. Ne cherche pas une opportunité à être un avec eux. Amen. If this one is traveling, then I have to travel. Wenn diese Person verreist, muss ich auch verreisen. Si cette personne est en train de voyager, moi aussi je dois voyager. Praise the Lord. Hallelujah. Let us choose to believe Christ. Lasst uns wählen, Christus zu glauben. On doit choisir de croire en Jésus-Christ. Amen. Amen. And if we believe, there will be nothing that we cannot live for him. Und wenn wir ihm glauben, dann wird es if nichts really geben, believe, was wir nicht für ihn zurücklassen können, wenn wir ihm wirklich glauben. Et si on croit vraiment, réellement en Jésus-Christ, il n'y aura aucune chose qu'on ne peut pas laisser pour l'Éternel. If we believe, things will be easy for us to live for him. Wenn wir ihm glauben, wird es uns einfach fallen, Dinge für ihn zurückzulassen. Si on lui croit, on croit en Jésus-Christ, ça sera facile même pour nous de laisser les histoires derrière nous pour lui. The message I wanted to preach today concerning faith, we are not going there with Grayson. This message is also concerning faith, but of another direction. Die Botschaft über den Glauben, über die werden wir jetzt nicht weitermachen, aber dennoch die Botschaft, die wir heute hören werden, hat auch was mit dem Glauben zu tun. Et le message que on va écouter aujourd'hui, ça aussi a à faire avec la foi, mais c'est pas ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, c'est une autre direction de la foi. We are going to go into another direction of faith because of some of us who are finding it difficult to let go, to let things go for Christ's sake. Wir werden eine andere Richtung einschlagen, weil es noch einigen von uns schwer fällt, Dinge für Christus loszulassen. On va prendre cette autre direction de la foi à cause de quelques d'entre nous qui le trouvent encore difficile de laisser les histoires de la chair pour Jésus-Christ. Just like from Jennifer today, we already in because of what she brought up. First Peter, please let us still go there again. On va partir de 1 Pierre 4. First Peter 4, verse 12 to the end. 1 Pierre 4, verset 12 jusqu'à la fin, c'est ce qu'on avait déjà lu avec Jennifer. Praise the Lord. Alleluia. Amen. From verse 12. Amen. It says, beloved, take it not strange concerning the very trial which is to try you. Praise the Lord. Hallelujah. As though some strange things happen unto you, the trial that is to try you, that is the message of Christ that is to come that you must obey. Die Feuerprobe, die auf dich zukommt, ist die Botschaft von Christus, der du gehorchen musst. Il disait ici que il dit ici la chose qui est qui va te qui va t'éprouver, c'est la parole de l'Éternel. Amen. It's what said, don't be equally yoked with them. Don't be one with them. It is time you give the line. You just make the line. I say, we are not one until you come to Christ. Sein Wort sagt, wir sollen it's nicht a strange thing. Gleichgesinnt. Amen. Wir sollen nicht gleichgesinnt sein mit den Ungläubigen. Und es ist an der Zeit, eine Grenze zu, eine Linie zu ziehen, einen Schlussstrich zu ziehen mit diesen Leuten, das klar zu machen, dass wir nicht mehr eins sind mit der Welt. La parole de Dieu dit que ne soyez pas un avec avec eux, avec les gens qui ne le choisissent pas. il a dit ça, donc ça signifie qu'on doit tracer une ligne pour ne pas partir au-delà de lui. Amen. So many of us are going through trials today. Viele von uns machen Feuerproben durch. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de passer beaucoup des épreuves. Amen. I have grandchildren. No, naturally. I have not seen them for years. It's trial. Dass ich Enkelkinder habe, die ich jahrelang noch nicht gesehen habe. I have a son. I have not dass seen ich einen Sohn habe. I don't follow. You know, it's a trial. Mit dem ich keine richtige Beziehung habe. Ist eine Feuerprobe wegen Christus Jesus. Moi, par exemple, j'ai des petits enfants que je n'ai pas vus il y a des années. Il y a même un que je n'ai jamais vu. Ou bien, par exemple, j'ai un fils que je n'ai pas vu beaucoup des années aussi que je ne téléphone. Je suis pas en train de téléphoner pour avec lui. Mais ça, c'était une épreuve. C'est aussi une épreuve que je suis en train de passer pour Jésus-Christ. Ah, mother, mais I have mother, I have husband, I have husband or I have wife, I have that I'm supposed to see, be one with them. But because of the trial, I cannot be one with them because I choose Christ. It's a trial. Oder man hat Mütter, man hat Väter, man hat Ehemänner, man hat Ehefrauen, mit denen man nicht eins sein kann. Freunde, mit denen man nicht eins sein kann wegen Christus Jesus, weil diese Menschen sich gegen Christus entschieden haben und ich mich für Jesus Christus entschieden habe. Il y a quelqu'un entre nous, par exemple, qui ont des amis, des maris, des femmes, de la famille, de mère, père, et ils sont pas un avec eux. Mais c'est aussi une épreuve pour Jésus-Christ parce que ces gens-là se sont positionnés, qui sont en train de refuser la parole, la vérité de l'Éternel. Amen. Amen. Trial is not only those, you know, when you go to exam and you fail, and you don't, how are you going to go through it? Mm. You know, that you fail is a trial. Amen. Mm. But how are you going to go through it? It's not only that. It's everything. It's like persecution. Eine Feuerprobe ist nicht nur dann, wenn du zum Beispiel eine Prüfung verhauen hast und jetzt gucken musst, wie du jetzt damit klarkommst, ob du dich dennoch in Christus erfreust oder ob du daran zugrunde gehst. Das ist auch eine Art Feuerprobe, aber das ist nicht nur die Art von Feuerprobe, die es gibt. Verfolgung ist auch eine Art von Feuerprobe. Une épreuve, c'est pas seulement quand tu as un examen, tu dois croire que l'Éternel est un qui va t'aider ou bien que tu es en train d'échouer et maintenant tu sais tu dois voir comment te rejouer en l'Éternel. Non, même des persécutions, c'est ça aussi, c'est aussi une épreuve. Look at verse 13, very interesting. You see verse 13. What verse 13 said? Can Mama Seraphine help us to read verse 13? Maman Seraphine, tu peux lire 13? Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis de joie quand sa gloire sera révélée. Praise the Lord. Hallelujah. He said, "Be rejoiced." He did not say we should be sad. Er hat gesagt, freut euch. Il a dit qu'on seid trauer, seid in Trauer, seid traurig. Il a dit ici, réjouissez-vous, et il n'a pas dit de ne pas être triste. C'est ce qu'on voit ici. Rejoice for choosing Christ. Freut euch, dass ihr euch für Christus entschieden habt. Réjouis-toi parce que tu es en train de choisir. Rejoice because you are able to choose Christ. Freut euch darüber, dass ihr euch überhaupt für Christus entscheiden könnt. Réjouis-toi parce que tu es capable à choisir Jésus-Christ. You know that's how you are going to know you are in faith. So sieht man, are you rejoicing today for choosing Christ? Bist, or you are sad because of those people? Bist du in der Freude, weil du dich für Christus und gegen die Welt entschieden hast? Off anymore. Oder bist du in Trauer, weil du nicht mehr Teil der Welt bist? Est-ce que toi aujourd'hui, est-ce que nous aujourd'hui on est en train de se réjouir parce qu'on est en train de choisir Jésus-Christ ou est-ce qu'on est en tristesse dans notre cœur où on se dit que ah, tu es triste pour parce que tu ne peux pas être là ou bien partir là-bas ou bien faire ceci et faire cela. On doit examiner notre cœur. Est-ce que tu es dans la joie comme il le recommande ici ou bien tu es en tristesse? An deiner Freude wird man auch deinen Glauben messen. Et c'est comme ça aussi, à travers ta joie, on peut voir aussi le degré de ta foi. Praise the Lord. No, we should ask ourselves today if we are rejoicing. Wir müssen uns selbst fragen, freuen wir uns darüber, Christus gewählt zu haben? Nous tous, on doit vraiment se demander, se poser cette question. Est-ce qu'on est en train de se réjouir en Éternel parce qu'on a choisi l'Éternel? Amen. You know, the journey I want to make that I will not make again because of Christ Jesus. Are you rejoicing for making that, taking that decision and choosing Christ? Die Reise, whatever it is, I don't know. Die Reise, die ich nicht antreten werde, wegen Christus Jesus, freue ich mich über diese Entscheidung oder ist diese Entscheidung eine Qual für mich? Es gibt viele Dinge, wo man sich hinterfragen muss. Donc par exemple, le voyage que j'ai décidé de ne pas, par exemple, de ne pas faire à cause de Jésus-Christ, est-ce que je me réjouis pour ça ou bien ça me fait mal au cœur? Et il y a beaucoup de choses qui beaucoup des exemples pareils et chacun doit éprouver son cœur. I'm not saying the correction of Christ Jesus. Who I wanted to marry, I'm not going to marry that person again. Because of Christ Jesus. You know, are you rejoicing or you are so sad? Zum Beispiel, because of the flesh. Genauso auch ich, wenn du dich dafür entschieden hast, nicht die Person zu heiraten, die die Welt dir vorgeschlagen hat. Und bist du deswegen... And I don't have anything. I just sound sad that you don't have anybody to marry. Und bist du jetzt traurig darüber, dass du jetzt keine Person mehr hast, die du heiraten kannst, weil du dich gegen die Welt entschieden hast und für Christus? Si par exemple, ou bien un autre exemple, le monde t'avait dit que celui-ci sera ton mari et que l'Éternel te dit que tu n'as pas, que la personne ne sera pas ton mari et toi tu as décidé de choisir la voix de l'Éternel et de ne pas marier la personne que la chair voulait. Est-ce que tu te réjouis en Éternel ou bien est-ce que tu es triste parce que tu ne peux pas, que tu as maintenant même personne, tu ne sais même pas qui maintenant marier et tu ne maries pas la personne que tu devrais marier normalement. Amen. Amen. For choosing Christ, I'm alone. It's as if I'm alone. But no, by this time, with my age, with everything, it's as if I'm just alone. He said, rejoice, inasmuch as you are partakers of Christ's suffering. That when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Bemitleiden wir uns jetzt wegen der Situation, in der wir uns jetzt befinden, weil wir uns für Christus entschieden haben. Ne? Denken wir über uns, dass wir jetzt alleine sind, dass wir arm sind, dass wir verlassen sind, weil wir uns für Christus entschieden haben. Und meditieren wir über dieses Verlassensein, dieses Alleinsein, dieses Nichtshaben ständig und können uns deswegen nicht freuen? Oder freuen wir uns, wie in 1. Petrus 4,13 steht? Est-ce que par exemple tu es en train de méditer sur la chose qui s'est passée que tu dis que oh maintenant je ne peux pas le faire comme je voulais et ça me rend triste ou bien tu te réjouis et ça tu dois vraiment t'éprouver ton cœur de voir et de te réjouir parce que ta décision tu as décidé de suivre ou bien d'obéir à la voix de l'Éternel et ça ne doit pas te faire triste. C'est pour cela il dit ici réjouissez-vous au contraire de la souffrance que tu as à travers le Christ. Amen. Amen. It's like me, you know, the church. How many are we here? For how many years? Amen. You have seen 2 years, 3 years. If you see churches, how big they are. You know, because the message is Christ. And the message is the truth. Lies hate the truth. People love darkness. And because of that, you know, because I chose Christ, I can see what it is. But I am not sad. I rejoice in as much as, you know, I am suffering for Christ's sake. Genauso wie in meinem Beispiel. It's in everything. It's in all areas of our life. Dass in dieser Gemeinde nach 10 Jahren immer noch diese Anzahl von Menschen da sind. Es gibt so viele Gemeinden, denen nach 2 Jahren das Dreifache, das Vielfache von Leuten schon da ist. Und man schon ganz viele andere Tochtergemeinden gegründet hat. Aber ich schaue auch nicht darauf. Ich freue mich darum, dass wegen der Wahrheit wir so wenige sind, weil die Wahrheit eben nicht alle bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren und nicht alle bereit sind, in der Wahrheit zu bleiben. Und deswegen muss ich damit rechnen, dass es wenige sind und werde mich deswegen nicht bemitleiden, sondern mich freuen, dass ich mich für die Wahrheit entschieden habe und für die Ergebnisse der Wahrheit. Et par exemple, moi je vais vous donner mon propre exemple. Qu'on est ici déjà depuis 10 ans, mais il y a seulement les mêmes personnes qui sont ici. Mais moi, normalement, je pouvais aussi devenir triste parce que je vois autre église. Après 2 ans, ils ont déjà grand, ils ont des branches. Mais moi, je me réjouis dans l'Éternel parce que nous sommes un peu comme ça. Parce que je sais qu'on est en train de prêcher la vérité. Et je sais que les gens aiment, ils détestent la lumière, ils aiment l'obscurité. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas capables à rester ici parce que la vérité fait mal au cœur, la vérité est dure et c'est pour cela que les gens ne choisissent pas le chemin étroit et partent dans le chemin qui est vraiment vaste et ça c'est pas ce que l'Éternel veut pour moi et c'est pour cela que je me réjouis et je ne vois pas la chair. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 14, if you be reproached, 15. Verset 14, for the name of Christ, happy are you, for the spirit of glory and of God rested upon you. On their part, it is even spoken of, but on your part, it is glorified. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they are talking about, you know, for them, it's solid. They are talking evil about you. But on your part, it is glorifying God. Mm. Für sie ist es, dass sie Bösartiges über dich sprechen, Bösartiges über dich verbreiten. Aber für dich ist es, dass Christus dadurch verherrlicht wird, weil sein Name in den Mund genommen wird. Mm. Parce que tu peux penser que les gens peuvent penser quelque chose de mal parce que tu es devenu en Christ et que tu es si radical en Christ ou bien tu es en train de suivre Jésus-Christ. Mais l'Éternel, lui, il est en train, il a dit que l'esprit de parce que vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose en vous, sur vous, l'Éternel, et il se réjouit parce que tu es en train de prêcher sa parole. La parole, ta vie est en train de témoigner sa parole, en fait. Amen. Amen. You can see two things here. He said, on their part, it is evil spoken of. But on your part, it is glorified. Amen. God's children glorified with you. Kinder Gottes, die mit dir verherrlicht werden, weil du nicht alleine dadurch gehst. Donc, je dois voir qu'il y a deux parts ici. Si vous êtes outrage pour le nom de Christ, donc les gens qui sont en dehors du Christ vont voir que comme si tu es en train de faire quelque chose de mal, mais vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc tu n'es pas seul parce que avec les enfants de Dieu qui ont aussi l'esprit de Dieu, sont en train de passer la même chose que toi. Amen. On their part, it is evil spoken of. They speak evil of you. Sie sprechen Bösartiges über dich. Eux, ils parlent mauvais, parce que nul de vous... oui. Eux, ils parlent mal de toi, par exemple. Amen. And but on your part, the Lord is rejoicing. And that is why you do not allow what will people say. You know, beware of the good, of what this world call of. Beware, I'm commissioned. Mm-hmm. Beware of the good of this world. And beware of what people will say. Mm-hmm. Aber auf eurer Seite wird Christus dadurch verherrlicht. Durch diese Verlästerung wird Christus verherrlicht auf eurer Seite. Obwohl es auf ihrer Seite einfach eine Lästerung ist, die Böses über euch spricht. Und deswegen müssen wir uns in Acht nehmen, nicht darauf zu achten, was Leute sagen oder nicht sagen. Weil wenn wir danach richten, werden wir nicht verstehen, dass, obwohl sie Böses sagen, Christus dennoch verherrlicht wird. Wir werden versuchen, das Gute dieser Welt zu suchen und glauben, im Guten dieser Welt wird Christus verherrlicht, obwohl eigentlich im Schlechten dieser Welt Christus verherrlicht wird. Donc, ça signifie que tu vas voir que les gens parlent mal de toi, par exemple, mais dans ton côté, l'Éternel est en train d'être glorifié. Eux parlent mal de toi, mais l'Éternel voit ça. Et ça signifie que c'est dans le mauvais de ce monde. Quand le monde appelle quelque chose de mal, par exemple, et cette fille-là, par exemple, ou bien ce garçon-là, cette mère-là, elle est toujours seulement à l'église. Elle parle que de Jésus-Christ, seulement elle qui a Jésus-Christ. Les gens parlent comme ça, c'est négatif dans ce monde. Mais en même moment, de l'autre part, l'Éternel, il est glorifié. Il dit, il est fier de toi. Il dit que oui, ça, c'est ma fille qui est en train de vivre ma vie, par exemple. Donc, il y a deux côtés. Le monde te voit comme quelqu'un de mal, mais l'Éternel est en train de glorifier, d'être glorifié à travers ton action, à travers ton choix. Praise the Lord. Sorry. L'Éternel est glorifié à travers ce que les gens sont en train de dire. L'Éternel est glorifié à travers ce que les gens sont en train de dire à propos de toi. Grâce à toi, les gens parlent de Jésus-Christ, même si c'est dans un sens négatif peut-être, mais le fait que les gens parlent de Jésus-Christ, praise the Lord. Amen. We should beware of the love of this world. Wir müssen uns in Acht nehmen vor der Liebe dieser Welt. Amen. On doit faire attention de l'amour de ce monde. We should beware of the good of this world. Uns in Acht nehmen von dem Guten dieser Welt. On doit faire attention. And beware of what people will say. Und uns in Acht nehmen davor, die Meinung der Menschen zu erachten. Die so für so wichtig zu erachten. Et de faire attention de ne pas prendre ça comme important, c'est que les gens sont en train de dire de ce monde. You know, there are those who value their words so much. Es gibt Menschen, deren Worte du so sehr wertschätzt. Il y a beaucoup de personnes que toi tu dis que leurs paroles ont vraiment beaucoup de valeur. Aber nur die Worte einer Person sollst du wertschätzen, nicht die Worte von Jesus Christus und nicht die Worte von Menschen. Mais tu dois seulement valoriser la parole d'une seule personne. Et c'est Jésus-Christ, c'est pas la parole des gens. Amen. Amen. What people say, what will people say? What will the family say? What will friends say? Dass Leute sagen werden, an issue for you at all. Was Leute sagen werden, was Familie sagen wird, was Menschen sagen werden, das sollte kein Thema mehr sein für dich, keine Sorge mehr sein für dich. Ce que ta famille va dire, ce que tes amis vont dire, ce que les gens vont dire, ça ne doit pas être un problème pour toi. Tu ne dois pas le prendre, tu ne dois pas le valoriser. Amen. Don't be a mouth pleaser. Sei kein Menschen, sei niemanden, Arschkrieche, sei kein, wie sagt man das nett auf Deutsch? Versuche nicht, den Menschen zu gefallen. Ja. Versuche nicht, einen aus dem Recht zu machen. N'essaye pas de plaire tout le monde. Praise the Lord. N'essayez pas de plaire à quelqu'un, à tout le monde. Praise the Lord. There's a place that talk about if I be a man pleaser, why am I so afraid? It's Paul that wrote it. Talk Galatians about 1:10. Thank you, sir. Galatians 1:10. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 10. Galatians. Galatians 1. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Mm. Amen. Hier lesen wir, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Amen. Galat 1, Verset 10, dit que... Et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. You see that? Are we going to please men? Please people? Please friends? Please family? Freunden gefallen, Familie gefallen? Und daraufhin Christus Nein sagen? Est-ce que moi, je serai quelqu'un qui va essayer de plaire à ma famille, à mes amis, et de rejeter le désir de l'Éternel, de Jésus-Christ? Das müssen wir verweigern. Et ça, on doit le rejeter. Amen. Amen. In John 8... put something in, put one finger in there. First Peter, please, we are still coming back there. Wir kommen zurück zu 1. Petrus gleich. On va d'abord partir à Jean 8. Amen. Amen. What Jesus said there. Was Jesus Christus da sagt. C'est que Jésus-Christ a dit ici. Amen. Amen. Verse 29. Johannes 8, 29. Jean 8, verset 29. He said, I am he that sent me, is with me. The Father has not left me alone. For I do always those things that please him. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Amen. C'est lui qui m'a envoyé avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui il est agréable. Amen. Amen. He said, I do always those things that please him. Ständig tue ich das, was ihm wohlgefällt. Nur die Dinge, die ihm gefallen. Il dit qu'il fait que les choses qui plaisent à son père. When are we going to be in that point where we do only what pleases Christ? Wann werden wir an dem Punkt sein, wo wir nur das tun, was Christus wohlgefällt? Quand est-ce qu'on va arriver au point où on plaît toujours à l'Éternel Jésus-Christ? And not what pleases the family. Und nicht das, was der Familie wohlgefällt, was Kindern wohlgefällt. Et pas faire ce qui plaît à la famille ou bien aux enfants. Oh, my grandchildren, they are crying on the phone. They want my head. Oder was mein Enkel wohlgefällt, weil meine Enkel am Telefon weinen und um meine Hilfe, um meine Zuneigung, um meine Gegenwart bitten. Ou bien de ce que mes petits enfants sont en train de dire, ou bien de pleurer au téléphone, ils veulent parler avec moi. Est-ce que je veux que ça puisse me plaire? Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 15, please. 15. Verset 15. Oh, 1 Peter 4. 1 Petrus 4, Vers 15. 1 Pierre 4, verset... on va rentrer maintenant à 1 Pierre 4, verset 15. Amen. Amen. He said, but let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. You see, busybody in other men's matters, those that want to save the whole world. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge immer wieder einmischt. Ja, und dass man sich immer wieder überall einmischt und überall immer was zu sagen hat. Also wir sollen uns von so welchen Positionen fernhalten. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc faut pas essayer d'essayer de te mélanger partout dans chaque affaire de... Affaire d'autrui, de partir à gauche et droite. You see something there. Amen. You say, oh, as a busybody in other men's matters. What is not your business? Whatever is not of Christ is not your business. Was immer nicht Christus angeht, sollte auch nicht dich etwas angehen. Donc, ce qui ne concerne pas le Christ, ça ne doit pas aussi te concerner. Amen. Praise the Lord. Vers 16. He said, yet if any man suffer as a Christian, why is it, why, you know, he said as a Christian, why Christian? Because of the fruit. Mm. He's talking about the fruit. Mm. Hier werden wir als Christ bezeichnet, weil es hier um die Frucht geht. Ici, on nomme ici verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, pourquoi chrétien? On nous appelle ici des chrétiens à cause du fruit. You know, if you're suffering, you know, Christianity see the fruit and not the root. Das Christentum sieht die Frucht und nicht die Wurzel. Parce que être le christianisme, c'est le fruit, c'est pas la racine. Amen. They see what you wear. They see a male, female. They see black or white. Sie sehen, was du anziehst, deine Hautfarbe, dein Geschlecht. Le christianisme, il voit l'extérieur, oui, ta couleur de peau, si tu es une fille, un garçon, des histoires comme ça, c'est que tu es en train de mettre... You know, we are going to suffer like as Christians. Wir werden als Christen leiden. Nous, on va souffrir comme des chrétiens. You know that when you say yes to Christ and say no to them. Is the fruit? They can only see the fruit. They cannot see the root. Mm-hmm. Dass du ja zu Christus sagst und nein zu ihnen sagst, das ist Leiden als Christ, weil sie aber nur die Frucht dieser Entscheidung sehen, die christlich ist, aber nicht die Wurzel, die geistliche ist. Mm. Le fait que tu es capable de dire oui à Jésus-Christ et non à eux, eux ils vont voir seulement le christianisme, le fruit et ils vont pas voir la racine. You know, they can only see the fruit. And they can only see the fruit. That fruit that they see is not of the flesh of the spirit. We should not be even ashamed of it. I hope you get it. Und weil sie eben nur die Frucht dieser Wurzel sehen, aber die Wurzel selbst nicht sehen, sollten wir uns auch nicht für diese Wurzel schämen, die nämlich Christus Jesus ist, die nämlich Geist ist, aber die sie als christlich nur sehen können. Eux, ils voient que ce que tu es en train de faire, c'est le christianisme. Et normalement, tu pouvais avoir honte de ça, mais toi, tu ne dois pas avoir honte du Christ en toi, parce que toi, tu connais la racine. Et la racine, bah, chez toi, c'est Jésus-Christ. Même si eux ils voient le fruit, toi ne sois pas, n'aie pas honte de la racine qui est Jésus-Christ. You get it. Praise the Lord. Amen. He said, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. That they are seeing it as a Christian. You understand me? And you know, it's not about the fruit. They see the fruit, but for you it's about the root and not the fruit. But you, in spite of that, you should glorify the Lord. Mm-hmm. Amen. Because they can see something that you are believing Christ Jesus. Sie sehen deine Entscheidung als etwas Christliches an, aber dennoch solltest du das nicht genauso sehen, sondern erkennen, dass es Christus ist, der dich dazu befähigt hat, diese Entscheidung zu treffen. Ob sie es einfach nur als christlich-religiös abstempeln oder als die Wahrheit abstempeln, ist egal. Hauptsache du weißt, dass es Christus ist. C'est que toi, tu fais tes décisions, par exemple, le fait que le monde est en train de dire que ah, ça c'est typiquement chrétien, c'est typiquement religieux comme les autres. Toi, tu ne dois pas le considérer comme ça parce que toi, tu sais ton motif, c'est Jésus-Christ. Toi, ta racine, c'est autre chose que autre personne, par exemple. Et c'est ça que toi, tu dois considérer. Et c'est pour cela que tu ne dois pas être inquiété par... c'est que les gens sont en train de dire parce que eux ils savent, ils peuvent seulement voir l'extérieur. Verse 17. Verse 17. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 18. And if the righteous scarcely be saved, the righteous scarcely. I hope you understand it. Mm-hmm. If the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? The so-called righteous, if they will be saved at all, how much more the ungodly? Look at his separated things here. Mm-hmm. He said the ungodly and sinners. In 18 lesen wir, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, nur ganz knapp es packt, in das Königreich reinzugehen, wo wird sich der Gottlose, also Sünder wiederfinden? Wie sollen die es denn überhaupt schaffen, wenn der Gerechte es nur ganz knapp schafft? Verset 18 nous dit que, et si le juste est sauvé avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Donc, ça signifie que si les gens de ce monde, si le juste sera sauvé avec peine, donc où seront alors les pécheurs, les gens de ce monde? Donc eux, ils auront encore, oui. Amen. Amen. You remember where Paul said, I have to be careful. If not, it's the same thing here. Mm-hmm. You see it here. Mm-hmm. You know, when you say, when Paul said, I have to be careful, so that I will not bring people. And I'm not able to enter. Mm. Erinnert euch auch an die Stelle, wo Paulus auch sagt, ihr müsst aufpassen. Erinnert euch auch an die Stelle, wo Paulus selbst sagt, dass ich muss aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit Leute reinbringe, aber selber nicht packe, ne? selber packe, nicht reinzugehen. Genauso wie bei dem Beispiel auch von Mose, ne? Dass die Kinder Israels es dann gepackt haben ins verheißene Land, aber er selbst nicht. Et ici, on voit aussi que même Paul lui-même qui nous dit ici, qui nous disait aussi qu'une fois que je dois même moi-même, étant que moi Paul, je dois faire attention de ne. Je vous apprends la parole. Les gens sont en train de partir au royaume des cieux, sont en train de comprendre ça. Mais moi-même, je dois faire attention de ne pas désobéir ou bien de ne pas entrer dans le royaume des cieux. Donc seulement parce que moi le Paul, je suis en train d'aider les gens, ça ne signifie pas que c'est garanti pour moi. Donc je dois aussi être attentif. Tout comme Moïse par exemple, Moïse il a emmené les enfants d'Égypte, eux ils sont entrés dans la terre promise, mais lui il n'était pas capable à entrer. Donc c'est aussi une similarité où, pour te faire voir que cette bataille, même si tu es un Paul, tu dois continuer vraiment à être vigilant. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You say ungodly and the sinners. You can see the division there. They divided it. The ungodly, the religious people. The sinners, those that are not religious, that are just, you know, for them, it's all about this world. The ungodly, they are of Satan. The sinners are of Satan. They are both. Und wir sehen auch hier diese Unterscheidung, die er ganz klar macht. Die Gerechten, ne, durch Christus Jesus, durch sein Blut, wir Kinder Gottes. Und die Gottlosen, die Sünder, die ohne Vergebung sind, die ohne das Blut sind. Und deswegen Gottlose und Sünder bleiben. Ici, quand il parle que viendront l'impie et les pécheurs, il parle des gens qui ne sont pas, qui n'acceptent pas la parole de l'Éternel et qui restent, qui n'ont pas le sang de Jésus qui les couvre, et c'est pour cela qu'ils vont rester des pécheurs. C'est par rapport à ça qu'il est titulaire ici comme des pécheurs. Praise the Lord. Hallelujah. I love verse 19 also. Verse 19. Verse 19. Verset 19. 1 Peter 4, 19. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well-doing, as unto a faithful creator. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Wherefore, let them that suffer according to the will for choosing Christ. Weil sie sich für Christus entschieden haben. Nach dem Willen Gottes zu leiden, bedeutet sich zu leiden, weil man sich für Christus entschieden hat. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, souffrir selon la volonté de Dieu, c'est quand toi tu choisis de suivre, d'obéir à la terre, à l'Éternel, et pas à la terre ou bien à ce monde. Remettre leurs armes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Don't allow what people will say to bother you if you are no longer eating with them. Lass nicht zu, dass das, was Leute über dich sagen, dir Sorgen bereitet, wenn du nicht mehr am Tisch, mit ihnen am Tisch sitzt, wenn du nicht mehr da bist, wenn du nicht mehr in einer Gruppe teil bist. Lass nicht zu, dass dir das Sorgen bereitet. Ça doit pas t'inquiéter le fait que les gens sont en train de dire que oui, elle n'est plus avec nous, il n'est plus avec nous, il n'est plus un de nous. Ça doit pas t'inquiéter en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Christ did not come for unity. What man called unity. Christus ist nicht für Einheit gekommen, für das, was die Menschheit Einheit nennt. Le Christ n'est pas venu pour l'unité. C'est que le monde appelle unité. Praise the Lord. Again, Christ did not come for unity. Mm. What man called unity. Christus ist nicht für die Einheit der Menschen gekommen, das, was die Menschen Einheit nennen. Jésus-Christ n'est pas venu pour l'unité à cause de l'unité des êtres humains. Amen. C'est que eux, ils appellent unité. He came for his all kind of unity and division. Jesus kam für seine Einheit und für seine Spaltung. Il est venu pour sa propre façon de d'unité et aussi de propre façon de division. Il a sa propre Amen. Division. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it helps us to understand a lot of things. That his soul system is quite different. Und das hilft uns Everything vieles zu verstehen, dass sein System anders ist. Alles von ihm ist anders. Ça nous aide à comprendre que son système est vraiment différent. Tout ce qui s'agit, tout ce qui concerne l'éternel Jésus-Christ est différent. On va lire Matthieu 10. Matthieu 10, 34 to the end. Matthieu 10. We'll quickly go through. Praise the Lord. 34. He said, take note that I'm come to send peace on earth. Mm-hmm. Praise the Lord. You know those that say Jesus is the peacemaker. Leute, die immer wieder sagen, dass Jesus doch der Friedensstifter ist, dass er doch Versöhnung bringt. Il y a des gens qui disent que l'Éternel est venu pour mettre la paix, mais lui il a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. He did not come for evil peace, but his own kind of. Er kam nicht für einen bösartigen Frieden, sondern für seinen eigenen Frieden. Il n'est pas venu pour la mauvaise paix. De ce monde, il est venu pour sa propre paix. Amen. Amen. You know, everybody disobeying Christ, but all of us, we are united in the flesh. That's what they want. But the family, you know, all this family affair. I wish somebody can fall from heaven. Could have even be better. Not to have them. Menschen möchten aber eine Einheit haben, in der jeder tut, was er will. Jeder missachtet und verachtet Jesus Christus, aber man sitzt zusammen am Tisch und lacht. Aber das ist teuflisch. Mm. Ne? Und dann denke ich mir sogar manchmal, es wäre sogar besser, wenn man einfach vom Himmel fallen würde. Und nicht diese Verbindungen hat, damit diese Verbindungen einen nicht wieder zurück in ein altes Joch spannen. C'est pour cela que quelquefois je me dis, ça serait même bien si quelqu'un était seulement tombé du ciel, n'a pas de famille, parce que quand tu as la famille, donc tu as cette unité là, ça va t'empêcher à faire beaucoup de choses. Follow Christ, they will not follow. They become thorns in people's flesh. Sie wollen nicht Christus folgen und werden dann zum Stachel, zu einem Stachel, den man dann hat. Mach das. Dann mach das tut nicht. Ah. Et maman avait dit tout à l'heure que. On doit plutôt suivre Jésus-Christ et pas s'unir selon les normes de cette terre avec les membres de famille, alors qu'on est conscient que personne d'entre nous va partir dans le royaume des cieux, ou personne vit selon Dieu veut, mais parce que c'est la famille, on est ensemble et on est un ensemble. You understand it? That if you know it could have been better when somebody just fall from heaven, from sky. You just fall down, you make breathe here. Yeah. Then you start living your life because you don't have any connection with all this people. It could have even been better because they become tons. Et c'est la raison pour laquelle elle avait dit que c'est de temps en temps, elle s'est dit, ça aurait été même mieux si tout le monde vient seulement, tombe directement du ciel et on n'est pas, il n'y a pas ces connexions, ces liens de famille qui nous forcent dans une certaine constellation, ça se dit en français. Ouais. Or qu'on est conscient que certaines d'entre eux ne croient pas à la bonne chose ou vont pas partir en enfer ou on est unis juste parce que c'est la famille et pas à cause de Jésus-Christ. Mm. You know, especially Africans. Besonders auch in Afrika. Surtout en Afrique. Et surtout en Afrique. Ouais. Amen. Especially Africans. Besonders Afrikaner. Surtout les Africains. And we saw all this family affair. Diese Familienangelegenheit ist eine sehr krasse Last bei diesen Menschen. C'est vraiment, c'est vraiment une charge, une vraiment une charge à Il y avait aussi un autre point qu'on a pas dit, c'est que souvent dans le monde, dans la religion, même dans les familles, on va dire que même Jésus-Christ est venu pour amener la paix. Mais non, Jésus-Christ n'est pas venu pour amener la paix entre l'homme, entre les hommes, mais entre lui et l'homme, donc entre Dieu et l'homme. You know, here in Europe, there's nothing like a mogo. You know, if your daughter gives birth, you go and take care of the daughter and the baby. That's what they call mogo in Nigeria. You know, you understand me? There's nothing like that here in Europe because they don't. Here it's as if they don't have family. Even anything at all, instead of family talking to, they go to court. You can see everything is evil. They go to television and show them, show your color. You understand me? You know, but in Africa, there are, it's always family, and it's really a body. Here it's easier for them to be free. But that of Africa. In Afrika ist die Tradition sehr darin verwurzelt und verbaut, dass Familie an allererster Stelle steht und deswegen Familie immer wieder ein Punkt ist, in der man immer wieder Halt und Sicherheit und Freude und all das sucht. Beispielsweise, wenn man ein Kind gebärt, ist die Mutter ist deine Mutter verpflichtet, die ersten Monate, die ersten Wochen bei dir zu wohnen und mit dir auf dieses Kind aufzupassen. Oder wenn du Eheprobleme hast, dass erstmal die ganze Familie zusammengetrommelt wird und dann die Familie entscheidet, wie es weitergeht. Aber hier in der westlichen Welt, da sagt deine Mutter vielleicht, okay, ruf mich bei der Einschulung nochmal an, dann komme ich vorbei. Oder ruf mich beim ersten Geburtstag, dann komme ich vielleicht nochmal vorbei. Da gibt es kein, ich wohne bei dir ein paar Wochen und passe dann auf das Kind auf. Wieso? Es ist nicht mein Kind. Ne? So wäre die Argumentation. Oder auch beim Thema, wenn die dann Eheprobleme haben, dann wird die Mutter auch sagen, ich bin kein Anwalt, klär das doch gerichtlich, wie es dann weitergeht. Oder man geht sogar zu den Medien, um es noch größer zu machen. Aber in Afrika beispielsweise ist alles immer, da wird alles in der Familie geklärt, weil die Familie sozusagen für sie alles ist. Et on doit comprendre que, par exemple, en Afrique, les Africains, chez les Africains, le point famille, c'est encore plus difficile, c'est encore plus, c'est plus difficile, la charge est plus grande que si on a en Europe, parce que, par exemple, les Africains, c'est aussi comme ça que quand ta fille a donné naissance à un bébé, c'est la maman qui va partir là-bas pendant une semaine ou deux semaines, ou même un mois pour prendre, pour aider la fille à soigner l'enfant, à apprendre les histoires, ou bien même s'il y a un problème dans le mariage, qui disent que, ok, les anciens de la famille, ou bien avec la famille et les enfants, et les parents sont assis ensemble à parler, à se donner des conseils, à dire à la femme, hey, ne sois pas têtue, homme, ne frappe pas ta femme, donc des histoires comme ça. Et or, ici, en Europe, c'est le contraire. En Europe, quand par exemple... tu donnes naissance, les Européens disent, ta maman va t'appeler si tu es européenne, va te dire, ah, ok, la fille, elle est, ça a été bon, appelle-moi le premier anniversaire, je vais venir, ou bien je vais venir même dans 5 mois. Donc, c'est normal ici. Ou bien, par exemple, si homme et femme sont en train de se chamailler et tu appelles ta maman, et ta maman va te dire ici, en Europe, va te dire que ben, moi, je suis pas un avocat, appeler directement un avocat et si il te fait mal, ça te fait mal à la tête, divorcer, non, et moi ou bien il parle même aussi à la télévision quelquefois pour discuter devant les gens à la télévision, tu vas voir vraiment que les normes de l'Afrique, les Africains et les normes des Européens, c'est vraiment différent. Et elle remercie l'Éternel que l'Éternel lui a délivré parce qu'elle aussi elle avait aussi les normes africaines. Praise the Lord. Amen. You know, you don't even know. You better allow Christ to deliver you. That Lord is too much. Does not belong to you. Let Christ carry it. Lass zu, dass Christus diese Last trägt. Donc, je dois vraiment laisser l'Éternel à délivrer ces normes-là, te délivrer de tout, de ces normes-là, parce que c'est une charge qui est trop lourde, et c'est pour cela que tu dois le donner à l'Éternel, il doit te le délivrer, sinon tu auras vraiment, tu vas toujours transporter cette charge. You know, in Africa, men died earlier, the husbands, before you know it, they are dead, because the Lord is not for a person. Is for the spiritual world to carry. And that spiritual world should be Christ alone. Amen. That will carry the load of the family. Mm. Not you. Und it will destroy you, it will break your neck. Mm. Und deswegen ist es oft so, dass in Afrika dann halt auch die Familienoberhäupter, also die Männer, dann halt eher sterben, weil sie so viel Last in sich tragen, so viel Last auf den Schultern haben, dass es ihnen das Genick brechen wird, das Genick kosten wird. Und deswegen sollst du ja diese Last eben nicht tragen. Et c'est pour cela en Afrique, ce sont les... Praise the Lord. Hallelujah. We thank the Lord that, you know, we have our children here in Europe and... they are no longer in the midst of them, especially in Africa. And, you know, but because we ourselves, we were not born with Christ. And we were already rooted in everything here on earth before we came to Christ. And our children that we gave birth to, even here in Europe, we did not train them according to the ways of the Lord. And it will also affect them in one way or the other. But we thank the Lord that, you know, even the distance is even still good for us. I hope you understand what I just said. Und ich danke dem Herrn, dass er dennoch diese Distanz von der Distanz zur Kultur, Distanz zu Afrika sozusagen genutzt hat, um uns auch davor zu bewahren, weil, weil wir halt hingekommen sind und unsere Kinder auch hier aufgewachsen sind größtenteils, war das dann nicht mehr so ein krasses Thema in dem Sinne. Aber dennoch haben wir natürlich unsere Kinder nicht in Christus aufgezogen, was auch nicht von Christus ist. Aber trotzdem hatten sie nicht diesen afrikanischen traditionellen Einfluss, der sie dann auch hätte nochmal hochnehmen müssen oder sollen. Ja. Donc pour nos enfants, ça sera un peu plus facile parce qu'ils ne sont pas nés. On est venus ici en Europe et nos enfants sont en train de grandir ici en Europe selon les normes aussi, les mentalités européennes. Et je remercie aussi l'Éternel, même si ce n'était pas toujours à travers l'Éternel comme on les a fait grandir, comme on les a éduqués. Mais je remercie l'Éternel, c'est parce que ce n'est pas avec les normes africaines, parce que là, et c'est pour ça que je remercie aussi l'Éternel pour la distance qu'on a eu à faire ce trajet de l'Afrique vers ici, parce que là, ça allait encore être plus pire, non? Les normes de l'Afrique, ça allait être vraiment plus être raciné en eux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jennifer, can you help us to read verse 34 again? Vers 34. Verset 34, on va continuer parce qu'on n'avait pas clôturé. Ihr seid nicht mein, dass ich gekommen sei, Friede auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Friede zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Praise the Lord. This is the word of Christ himself. Das ist das Wort von Christus selbst. Not coming from Paul or Peter. Das ist nicht von Paulus oder Petrus, sondern von Christus selbst nochmal ausgesprochen. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ lui-même. C'est pas Paul ou Pierre qui le dit. C'est Jésus-Christ qui dit que ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre fille et sa mère, entre les belles filles et les belles mères. C'est Jésus-Christ qui est en train de dire. Praise the Lord. Hallelujah. What he called division. Was er Spaltung nennt. C'est que lui, il appelle division. The only division that should be here on earth. Die einzige Spaltung, die hier auf Erden sein sollte. La seule division qui doit être ici sur terre. Should be here. This is verse 35. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Why? One is choosing Christ and the other is saying no. Die einzige Entzweiung, die es hier auf Erden geben sollte, ist die Entzweiung, die entstehen sollte, wenn Leute sich gegen Christus entscheiden, wenn niemand sich für Christus entscheidet, wie hier in Vers 35 erklärt wird. Et verset 35 nous fait voir que ça c'est la seule division que Jésus-Christ est en train de qui doit être fait devant les yeux de Jésus-Christ. tu es en train de diviser tout le monde. Pourquoi? Parce que une personne se choisit Jésus-Christ et l'autre personne est contre Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il doit être une division. This division is victory. Diese Spaltung ist, ist ein Sieg, ein Erfolg. Cette division, c'est une, c'est un succès, c'est une victoire. Voilà. Amen. This God kind of division is victory, and not for destruction. Diese Spaltung ist ein Triumph, ist ein Sieg, es ist nicht Zerstörung. Et ça, cette division, c'est une victoire, c'est pas une destruction. That of the world is the destruction. But that of Christ, at least light has come into the family. There's one light. Hello, das von Christus bedeutet Triumph, bedeutet Sieg. Everybody are not going to the same direction, which is darkness. Anscheinend ist das one Licht, is already light. Na, anscheinend ist das Licht in diese Finsternis, in diese Familie eingebrochen und einer kann jetzt sehen. Wenigstens kann einer sehen und die anderen vielleicht rausbringen, wenn sie sich rausbringen lassen. Ne? Yeah. Aber die Spaltung dieser Welt, die bedeutet wirklich Zerstörung, weil sie vom Satan ist. Donc la destruction de ce monde. C'est la destruction, la division qui vient ici, c'est une victoire parce qu'il s'agit de Jésus-Christ, il s'agit de se positionner vers la vérité. Et ce n'est pas celui de ce monde, parce que celui de ce monde est là pour détruire les gens. Verset 36. An a man's foe shall be they of his household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know where people read, why they cannot even get it. Et l'homme aura, verset 36, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc c'est ça que la Bible dit. C'est écrit ici, c'est pas moi qui le dis. Und ich verstehe nicht, weshalb Leute verwirrt sind, wenn wir über Spaltung sprechen und denken, dass man sich diese Spaltung aus den Fingern herbeizieht, sondern dass es hier wirklich im Wort Gottes steht. Et c'est pour cela que je comprends pas pourquoi les gens pensent que quand on parle de la division, c'est cette église ou bien c'est nous qui veulent se diviser, être une des séparations avec les gens, mais c'est la parole qui le recommande ici et il explique aussi pourquoi. Are we all there? Please, if you are there, if you are here, raise up your hand. Si tu es là, est-ce que si tu l'as lu, tu dois lever ta main. Who is Mama, are you there? Tu l'as compris? Verse 37. Tu as lu ce verset? Because I want everybody to be there. Je veux que tout le monde puisse comprendre verset 38. Amen. 37-38. 37-38, où tu as ta main? Oh non, pardon, 36-37. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. All of us will live together. Verse 37. Wir werden 37 zusammenleben, leben. Amen auch, aber zusammen lesen. Yeah, we are waiting. Yeah. Because everybody must know it. It's a must. By force. By crook. By hook. Then verse 37. Verse, look at it. He that, well, okay, let me see. Want to go. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Some of us did not read it. Felix, you did not read it. We will read it again, all of us, because I did not see you seeing it. I will look at your mouth, all of you. Also wir sollen laut lesen mit dem Mund, nicht in Gedanken. I want to see your mouth moving. Don't just say. On va le dire encore une fois parce que Félix n'a pas lu. Verset 37. Verset 37. Want to go. Der Vater mehr liebt als mich, meiner nicht wert. Der Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Praise the Lord. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Is this so difficult to understand? Ist das so schwer zu verstehen? It is not choosing them that can save them. Denn nicht die zu wählen, kann sie erretten, sondern Christus zu wählen, das bedeutet ihre Errettung. Donc on doit la séparation, c'est pour leur salut, pour qu'ils puissent être sauvés. Praise the Lord. Amen. Then in verse 38, and he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verset 38 nous dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est verset 38. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to the Luke version of it, Luke 12. Go Lucas to the Luke, 12. The Luke version of it. Da sehen wir die, die gleiche Situation, aber von der Sichtweise, Perspektive von Lukas. On va lire la même le même verset, mais dans la version de Luc 12. From verse 51. So we will read from 51 to 53. 51 bis 53. Are we there, please? Please, someone will always be there. Amen. Suppose ye that have come to give peace on earth. 51-53. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That's what religion is talking about today. Das ist das, wovon Religion spricht. Jesus ist für Frieden gekommen. Ici, 51 nous dit ici, pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur terre? Et c'est ce que la religion pense. La religion pense que Jésus est venu pour la paix avec tout le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Let's our mama help us to read this, please. Verse 51. Maman, tu peux lire verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix au monde? Non, je vous l'ai dit, mais la division. Suppose ye that have come to give peace on earth. I tell you, nay, but rather division. 52. So from henceforth, there shall be five in one house, divided three against two, and two against three. They say you are the one bringing division in the family. Sie werden sagen, du bist der Unruhestifter. Du bringst Spaltung in zwei in diese Familie, weil du dich für Christus entscheidest. Siehst du nicht, wie viel es kostet? Donc, la division vient parce que toi, tu te positionnes pour Jésus-Christ. Amen. Amen. They'll see you are something else for choosing Christ. Sie werden dich als Unruhestifter sehen. Ils vont penser que tu es quelqu'un qui est venu pour emmener... causer des problèmes parce que toi tu choisis la paix de l'Éternel. La paix de l'Éternel cause le problème dans et c'est le mal dans ce monde ici. But you have to know that you are in the right direction. Du musst wissen, dass du auf der richtigen Route bist. Et maintenant tu dois savoir que tu es dans une bonne direction. Amen. Verse 53. The father shall be divided against the son, and the son against the daughter, the mother against the daughter, and the daughter against the mother. The mother-in-law against her daughter-in-law. And the daughter-in-law against her mother-in-law. Praise the Lord. Hallelujah. We will come here again from verse 54, but not now, later. Amen. Je répète encore, mais je me confie ici, verset 52, il disait, car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Pourquoi? À cause de la vérité. Parce que trois, par exemple, ou deux, choisis Jésus-Christ, et les trois ne choisis pas les Jésus-Christ, même s'ils sont dans la même maison. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer encore spécifiquement ici. Amen. Amen. Christ division is not for destruction. Die Spaltung von Christus ist nicht für Zerstörung. La division de Jésus-Christ n'est pas là pour la destruction. It is for salvation. Sie ist für Rettung. C'est pour le salut. Amen. Amen. It will not lead to any destruction. Es wird nicht zur Zerstörung führen. Know that. Wisse das. Tu dois savoir que la division de l'Éternel n'est pas là pour la destruction. C'est important de comprendre. But to save you and to save them. Aber um dich zu retten und sie zu retten. Mais c'est là pour te sauver et sauver aussi tes biens. Are you getting it? Amen. To save you and to save them. Um dich und sie zu remember retten. Remember the Deuteronomy 30. Erinnert euch an 5. Mose 30. C'est la division de l'Éternel est là pour te sauver et sauver aussi tes bien-aimés. On va partir à Deutéronome 13. Verset 19. He said, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Mm-hmm. Choose life. You choose life, not for you alone. Wieder that both Leben. Thou and your seed Amen. Will live. Damit do never choose for yourself alone. Du entscheidest nicht that alone allein. Should help you. Ja. Das sollte dir helfen, die Entscheidung zu treffen. Mm. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Oui, prospérité. Et là, ça te fait voir que toi, tu choisis pour toi et aussi pour tes enfants, pour tes prospérités. Donc, c'est that both you and your seed. Amen. Damit du und dein Same lebst. You never choose Christ for their destruction. Du entscheidest. Once you say no to, once you say yes to Christ, it's automatic no to Satan. And it's for the salvation of the family. Amen. Sich für ihre Errettung, sich für Christus zu entscheiden, bedeutet sich für ihre Errettung zu entscheiden. Sich für Christus zu entscheiden bedeutet niemals, sich für ihre Zerstörung zu entscheiden. Donc tu vois, ce qu'il dit ici, c'est comme si ça te fait voir aussi que quand tu choisis l'Éternel, tu choisis aussi pour tes postérités et c'est pas là pour les détruire. En fait, tu as ton coin, mais c'est l'Éternel qui va aussi continuer le reste. Il est là aussi pour tu ce choix là, tu le fais aussi pour eux. Praise the Lord. Amen. You see it. Amen. Amen. You never choose for you alone. Mm. Help them to choose their salvation. Du entscheidest auch nicht alleine, nicht für dich alleine, sondern hilf ihnen, sich für ihre Rettung zu entscheiden. Toi, tu ne choisis pas seulement pour toi-même, mais quand tu te positionnes, tu es en train aussi de les aider à choisir la vie aussi, ou bien à avoir leur salut. Help them to choose life. Hilf ihnen das Leben zu wählen. Aide-les à choisir la vie. You getting it? He said, choose me, choose life. Life, Christ is life. Christ is our life. Without Christ, there is no life. Amen. Choose Christ. You help them to, for not you alone, for you and your seed. Mm-hmm. Help them to choose Christ. By saying yes to Christ, automatic no to Satan. Hilf ihnen, ja zum Leben zu sagen, ja zu Christus zu sagen. Be wenn sie ja zu Christus you sagen, and them. Aber wenn, sie ja, aber wenn sie ja zu Christus sagen, sagen sie nein zum Satan, sagen sie nein zum Tod. Parce que tu dois les aider à dire oui au Jésus-Christ. Parce que s'il ne dit pas oui à Jésus-Christ, il dit automatiquement oui au diable. Et même si c'est douloureux pour toi, toi, tu dois savoir pourquoi tu le fais. Tu dois savoir que tu es en train de choisir pour Jésus-Christ, te positionner vers Jésus-Christ pour que eux aussi puissent venir dans la lumière. Parce que tu ne peux pas être dans la lumière et essayer d'être dans un... dans le même moment être aussi dans l'obscurité. Toi tu es dans la lumière et eux aide-les à sortir de l'obscurité. Et c'est pour cela que tu fais ton choix. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please choose Christ. Entscheide dich bitte für Christus. Please. Choisis l'Éternel. Ich bitte euch darum. Choose life. I'm not dead. Entscheidet euch für das Leben und nicht für den Tod. Choisis l'Éternel. Choisis la vie et pas la mort. Amen. Amen. So that it will be yes to Satan. Yes to Christ, but no automatically no to Satan. Damit es ja zu Christus ist und damit automatisch nein zu Satan. Pour que ça puisse être oui à Dieu et automatiquement non au diable. Jakobus. Jacques. James 4, verse 7. Jakobus 4, Vers 7. Jacques 4, verset 7. You see there. It's there. So yes to Christ is steht ganz klar, ja zu Christus ist nein für den Satan. Oui, au Christ, c'est non pour le diable. Lucide, verse 7. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. It means yes to Christ is automatic no to Satan. So unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Satan, so flieht er vor euch. Das heißt, sich für Christus zu entscheiden, heißt dem Satan den Rücken zu kehren und er wird vor euch fliehen. Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Das signifie que quand tu te soumets directement à l'Éternel, c'est automatiquement non au diable et c'est comme ça que lui il fuit. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. How to save your natural family is not by choosing them. Wie wir unsere natürliche Familie retten, ist nicht indem wir sie wählen. Comment on va sauver une famille naturelle, c'est pas quand on les sauve, pas quand tu es en train de les choisir. The natural love cannot save them. Denn die natürliche Liebe kann sie nicht retten. L'amour naturel ne peut pas les sauver. Love them with God kind of love. Liebe sie mit Gottes Liebe. Aime-les avec l'amour de Jésus-Christ. They may not understand it, but love them with that with God kind of love. Sie verstehen es vielleicht nicht, aber liebe sie mit dieser Liebe. Eux peut-être ils ne comprennent pas, mais toi tu dois les aimer avec l'amour de Dieu. You know when they were killed, when Paul stood to kill Stephen, he did not understand it. But you know, it was a matter of time before Paul now understood it. Are you getting it? The man don't understand the love, that you love them so much and you choose Christ for them. The man don't understand it, but it's a matter of time they may understand it. Als Paulus dabei war, als Stephanus gesteinigt wurde, hat er nicht verstanden, was da gerade passiert. Aber irgendwann hat er es dann verstanden. Genauso wie sie jetzt noch nicht verstehen, was gerade mit ihnen passiert, weil du die Liebe von Christus anwendest. Aber irgendwann werden sie es verstehen und dir dankbar sein. Et c'est par exemple aussi même Paul, quand il était encore Saül, quand on a lapidé Étienne, par exemple, lui, il n'avait pas compris, il ne comprenait pas l'amour de l'Éternel dedans. Mais quand il a eu la relation avec l'Éternel, il a compris maintenant qu'est-ce qui est l'amour de Dieu. Quand Étienne s'est laissé lapider, il disait qu'ils ne savent pas, Père, pardonne-les. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul, he stood to kill Stephen. And later, he was demoted. They were now taking him to run away from the people so that they will not kill him. Do you understand? Mm. Yeah, it's a matter of time. Just give them time. Mm. But you keep on choosing Christ. Give them time. They will understand. They will get it later. Just like Paul. Paulus war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde, aber irgendwann war er derjenige, der gejagt wurde, ne, der gesteinigt werden sollte und hat dann verstanden, was es bedeutet, auf der anderen Seite zu stehen. Et c'est pour cela aussi, lui, quand Étienne était lapidé, Saül n'avait pas encore compris ça, mais quand il est devenu Paul, quand il a été transformé, il est devenu un enfant de Dieu, c'est là qu'il a compris la grandeur ou bien la profondeur de l'amour de l'Éternel. They can never be saved with the natural law. Except with the supernatural love of God. Sie können niemals gerettet werden mit der natürlichen Liebe, nur mit der übernatürlichen Liebe von Christus Jesus. Ils peuvent pas être sauvés avec à travers l'amour naturel, c'est seulement à travers l'amour surnaturel de Jésus-Christ. What Christ called love. Was Christus Liebe nennt. C'est que Jésus-Christ appelle amour. And that is Christ himself. Und das ist Christus selbst. Et ça c'est Jésus-Christ lui-même. That is our salvation. Das ist unsere Rettung. Et ça c'est notre salut. Amen. Amen. It is the only true love. Das ist die einzig wahrhaftige Liebe. Das ist der einzige Amour, qui est vrai. Amen. Amen. That love is Christ himself. Und diese Liebe ist Christus Jesus allein. First John. Et cet amour-là, c'est Jésus-Christ lui-même. God is love. Gottes Liebe. Praise the Lord. Hallelujah. I love First John. Amen. He said, God is love. Ich liebe 1. Johannes, weil da werden wir, is true is. Da werden wir nochmal an die Natur von Christus Jesus erinnert, dass er Liebe ist. Jean dit que Dieu est amour, et ça, ça nous fait, ça nous rappelle de la nature de Jésus Christ que Dieu est amour. First John. First John. Oh, you want us to go there? Okay, go. Thank you. Praise the Lord. Amen. Amen. First John 4. 1. Johannes 4. 1. Jean 4. Even verse 16, it's in verse 12. Let's go to that of verse 16. 16. Verse 16. Yeah, First John 4, verse 16. And we have known and believed the love that God had for us. God is love. Amen. Amen. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. He's talking about God kind of love, and not the evil love of this world. Und nicht die bösartige Liebe dieser Welt. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y en avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en demeure en lui. Ici, il parle de l'amour de Dieu et pas le mauvais amour de ce monde. You know, if you look at here, he's telling us how to live in Christ, how to live in Christ and Christ in us. Erkennt sie, wie wir in Christus leben und Christus in uns lebt. Ici, nous explique comment vivre en Christ et comment le Christ vit en nous. Look at it again, verse 16. Verse 16. And we know, and we have known, and believed the love that God had to us. God is love. Mm-hmm. And he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. You see there? Mm-hmm. If you dwelleth in love, God kind of love, you know, you are choosing Christ and rejecting them. It means God, Christ is in you, you are in Christ. Dich für Christus zu entscheiden und sie zu verweigern, bedeutet, dass Christus in dir lebt, in dir wohnt. Donc, quand toi tu es en train de choisir Jésus-Christ, tu es en train de rejeter. Tu es en train de les rejeter parce qu'eux, ils ne choisissent pas l'éternel. Ça signifie que Dieu demeure en toi. Et c'est pour cela que tu dois le faire parce que lui, il demeure en toi. He said, dwell, to live. He's living. Er wohnt en lui. Il demeure en toi. Your body is his house. Dein Körper ist sein Haus. Ton corps, c'est son temple. You are the house of Christ. Du bist das Haus von Christus. Und er weiß, Amen. Wie er auf sein Haus Acht zu geben hat. Amen. Toi, tu es le temple de Jésus-Christ, du Christ. Et lui, il sait comment prendre soin de son temple. Praise the Lord. Hallelujah. The natural love is fake love. Die natürliche Liebe ist eine verfälschte Liebe. L'amour naturel, c'est un amour, c'est un amour falsifié. Mm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The pain you believe you are going through because of the natural family. The feelings that you feel, that you are feeling because of them. Praise the Lord. They are fake. Die Gefühle, die wir für diese Menschen haben, weil wir sie abgegeben feeling haben. You think is love. Diese Gefühle, die wir als Liebe identifizieren, sind verfälscht. L'amour ou bien la douleur que tu as parce que tu dois te positionner pour Jésus-Christ et t'écarter d'eux, ou bien ces sentiments que tu es en train de pressentir qui te font par exemple le triste, ça ce sont des sentiments ou bien ce sont des sentiments falsifiés. Praise the Lord. Hallelujah. Say no to fake love. Sag nein zur falschen Liebe. Et dis non, refuse l'amour qui est falsifié. Choosing Christ. Nur für Christus entscheiden. Quand tu te positionnes ou bien tu choisis Jésus-Christ. Believe it. Glaube an ihn. Crois en Christ. He's the only one that will not leave you, that will not forsake you. Er ist der Einzige, der dich nicht verlassen wird und im Stich lassen wird. Parce que c'est lui qui est le seul qui va pas te laisser ou bien t'abandonner. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. That feeling is not from Christ. Dieses Gefühl ist nicht von Christus, aber von Satan. The feeling of pain that you are feeling. Dieses Gefühl von Schmerz. Cette douleur que tu es en train de pressentir, ce sont pas les douleurs de Christ, ce sont les douleurs du diable. Parce qu'il s'agit de la chair. Amen. Amen. That feeling is not for salvation. Dieses Gefühl ist nicht für Errettung. Nothing from Satan is for salvation. Weil nichts vom Satan sorgt für Errettung, sondern es zielt auf die Zerstörung ab. Parce que cette douleur que tu pressens là, c'est pas là pour ton salut, c'est pour te détruire, c'est pour la destruction. Parce que rien qui vient du diable est bon. Beware of the love of this world. Nimm dich in Acht vor der Liebe dieser Welt. Fais attention à l'amour de ce monde. Tu dois le détester en fait. Amen. Hasse die Liebe dieser Welt. Praise the Lord. Hallelujah. Hate it. Anywhere you hear it, hate it. Mm. Überall, wo du sie hörst, hasse sie. N'importe où tu l'écoutes, même chez toi ou bien chez autre personne, tu dois le détester. Hate the good of this world. Hasse das Gute dieser Welt. Déteste le bien de ce monde. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hate the five senses that we want your, you know, because the five senses is very strong. Mm. Satan loves you so much and he uses it. Mm. Surrender your five senses to Christ. Übergebe deine fünf Sinne Christus. déteste les cinq sens et soumet tes cinq sens à Christ. Amen. Amen. Now you no longer feel whatever is outside you. For you it's all about Christ. Dass du nicht mehr das fühlst, was da draußen ist, sondern dir geht es einfach nur um Christus. Et que tu ne sens plus ce qui est en dehors, mais pour toi il s'agit que du Christ. That you no longer see what is outside it, but you see Christ. Dass du nicht mehr das siehst, was da draußen ist. Says, see, I've given you Jericho. Donc tu ne vois plus ce qui est à l'extérieur ou bien en dehors du Christ. Tu vois seulement Jésus-Christ. Comme il a dit à... Beware of the five senses. Nimm dich in Acht vor den fünf Sinnen. Fais attention des cinq sens. Amen. The five senses and what people will say, they are together. Die fünf Sinne und das, was Leute sagen werden, sind zusammen. Yeah, sind eins. Parce que les cinq sens et ce que les gens vont dire, c'est une même chose, c'est la même chose en fait. What will my mother say? What will my brother say? What will the other one say? What will the other? Who cares? Was meine Mutter sagen wird, was mein Vater sagen wird, was wer auch immer sagen will, wen kümmert's? Donc, c'est essentiellement aussi de te faire aussi rappeler de ce que qu'est-ce que ta parent, ta fille va dire, qu'est-ce que ta mère va dire, qu'est-ce que tes parents vont dire. Ça, c'est toujours les cinq sens et ça n'intéresse à personne. Amen. Even myself, I have to beware of the five senses. Auch ich selbst muss mich in Acht nehmen vor den fünf Sinnen. Même moi aussi, je dois faire attention aux cinq sens. The love of this world. Liebe dieser Welt. L'amour de ce monde. The five senses, what I see. Die fünf Sinne, das was ich sehe. Les cinq sens, ce que je vois. You know when they send you picture, when you see their picture. Wenn sie dir Bilder schicken. Are you getting it? Well, something we do, just certain we go through something, even through picture. Tomorrow, you have not seen them. Look, you can see. In der Satan wird durch etwas gehen wollen. Um dir zu sagen, vermisst du etwas nicht? Mhm. Fehlst du da nicht in dieser Runde? Müsstest du nicht dabei sein? Müsstest du nicht Teil davon sein? Aber schau nicht, achte nicht auf die Hinweise des Satans. Schenk dem Satan kein Ohr. Moi aussi, quelquefois, quand tu vois, par exemple, des photos, tu vas te dire, mais ah, ça allait aussi être bien si tu étais par deux, tu étais avec eux, tu allais bien t'amuser. Mais non, ah, déteste la voix de la chair. Tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Please beware of what the love of this world, the good of this world, and what would people say. They all work with five senses. Ja, all das, was Leute sagen oder meinen oder denken können, das alles ist nach fünf Sinnen zu wandeln. Ich déteste de voir les cinq sens, parce que tout ce que les gens disent ou bien vont penser, ça là, c'est en accord avec les cinq sens. No, what we hear. You know, the baby is already walking. Das Baby läuft schon. You are not seeing them for some time. Are you getting it? What you hear is will fight you. Das, was du hörst, wird dich bekämpfen. Ce que tu entends va te combattre. On va te dire, oui, mais maintenant le bébé est déjà en train de parler, en train de marcher déjà. Et ça va te combattre. Ça va te combattre ta position. And the wife is already pregnant again. Pregnant of Satan again. You know, what you hear will fight you. Oder die Frau schon wieder, Ehefrau ist wieder schwanger von mit Satan sozusagen, mit etwas, was nicht sein Wille ist, was nicht seine, wo nicht sein Geist ist. Und wir werden dir sagen, oui, cette femme, la femme ou bien quelqu'un, elle est encore enceinte une fois, donc enceinte même si c'est même pas la volonté de Dieu qu'ils soient ensemble. Et oui, tu dois dire ça. Ces informations-là vont te, oui, vont te combattre. They send you their picture of true phone. They send it to you. And you see it, what you see. The five senses, Satan use it a lot. You better get out of there. Oder das, was du geschickt bekommst, irgendwelche Videos oder andere Bilder, halte dich lieber davon fern und übergebe das alles Christus Jesus. Ou bien ceux qui vont t'envoyer, si tu vas voir des vidéos, des photos et tout ça, tu dois vraiment sortir de là parce que ça va te combattre. Ça va te combattre. Let's go to Luke 12, please. Praise the Lord. Amen. Luke 12, from verse 54 now. Lukas 12. You should know where Satan is coming. Wir sollten wissen, wann der Satan kommt. On doit savoir quand le diable est entré les approcher. Luc 12, 50. Is somebody getting something here? You should know where Satan is walking. Wir müssen wissen, wann der Satan arbeitet. Durch Bilder. Through phone call. Durch Anrufe. Through message. Durch Botschaften. On doit savoir quand le diable est entré de s'approcher. Il s'approche à travers les messages, à travers les informations, à travers les vidéos, bien les photos qu'on voit, ou bien même les sentiments, la nostalgie. Tout ça, on doit faire attention quand le diable s'approche. They will tell you things interesting there. Somebody want to marry. Somebody want to do this. We want to celebrate baby. They want to do this. You should know when Satan is at work. That's what Jesus said from 54 here to the end. Sie werden die interessante Sachen erzählen von irgendwelchen Hochzeiten, von irgendwelchen Geburtstagen, von irgendwelchen Reisen, von irgendwelchen Errungenschaften. Aber wir müssen erkennen, wann der Satan versucht, uns zu verführen. Et tu dois faire vraiment attention parce que eux ils vont vouloir te dire que on célèbre l'anniversaire, on célèbre, on a fini les études, on a fait ceci, cela. Et tu dois savoir que c'est le diable qui est en train de s'approcher pour te pour essayer de te oui d'emmener ta tête à te distraire, voilà. Praise the Lord. Mm-hmm. I hope you, Susie, can you help us with 54? Er sprach aber auch zu der Volksmenge, wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht, vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und es geschieht auch so. Is somebody getting something? Mm-hmm. And he said on, also to the people, when you see a cloud rise out of the west, straight away you see, there cometh a shower. And it And so it is. Il dit encore à la foule, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive aussi ainsi. Kenne den Gestank des Satans, der stinkende Gestank, der stinkt, die Sache stinkt. Tu vas reconnaître... reconnaître la douleur, l'odeur, l'odeur du diable parce qu'il pue. Et quand tu es en train de sentir ça, et comme tu vois ici, c'est qu'il dit aussi cette nuage là, tu vas pressentir que la pluie vient et tu fais quelque chose parce que tu vois un nuage et tu sais ce que ça signifie. Are you getting it? I hope you understand it. Praise the Lord. Amen. You know the children of this world, the children of darkness. They don't understand their system. They got children where Satan is coming. This man, you should be able to get it. Mm. That this is Satan. Yeah. I can see what you smell, what you taste. Die Kinder dieser Who's Welt, it? Sie erkennen schnell, wenn etwas nicht stimmt. Deswegen machen sie auch schnell dabei, das Fenster zu öffnen oder sauber zu machen. Aber wir Kinder Gottes, weshalb erkennen wir nicht diesen geistlichen Gestank und reagieren genauso schnell darauf? Le monde, par exemple, Sendez-vous poupou. Le monde, le monde shit. Le monde est par exemple. I don't know what it is. Le monde est par exemple si vite à te à reconnaître quelque chose de mauvais. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la lumière. On est en train de on est en train de marcher dans l'esprit. Pourquoi nous ne sommes pas vite à reconnaître que c'est le diable qui est en train de s'approcher? Praise the Lord. Let us be clever. Lass uns clever sein, Christus. Im Königreich von Christus. Know the trick of Satan. On doit vraiment être vigilant, on doit être attentif et intelligent à reconnaître les tricks du diable. Amen. Look at verse 55. He said, and when you see the south wind blow, you say, there will be heat, and it cometh to pass. Mm. 56. You hypocrites. 56. You hypocrites. Yeah. You can't discern the face of the sky and of the earth. But how is it that you do not discern this kind? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps ici? You cannot discern what they say to you, that this is Satan. Du kannst nicht erkennen, dass das, was sie gerade schicken, der Satan ist, der am Werk ist, der Drahtzieher dieser Sache ist. Donc tu n'es pas capable à discerner, à remarquer que c'est le diable qui est en train de s'approcher à toi. Praise the Lord. 57. Il s'agit. And why even of yourself judge you not what is right? Praise Jesus. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Amen. Amen. Our age, our experience in life, What we used to know should not be a problem to us. Unsere Erfahrung, unser Alter, was wir gekannt haben, sollte kein Hindernis heute sein für uns. Tout ce qu'on a appris, au passé, ça ne doit pas être une wie sagt man Hindernis nochmal? Obstacle. Un obstacle pour nous. Un obstacle pour nous. Amen. You know, elderly people, they always notice more than children. Except through this computer thing of computer of a thing, they know how to operate computer. Apart from that, amen. Parents, because they have a lot of experience in life, amen. And because of that of experience, because of that, it even hindering a lot to come to Christ. Because coming to Christ, those things they are going to be erased. Just allow those things to even work for you. Und beispielsweise in der Tüchefeld ist das so, dass die ältere Generation mehr Wissen hat in Bezug auf Erfahrungen, ne, auf Ereignisse, Dinge, die sie erlebt haben. Und die jüngere Generation kennt diese ganzen Sachen noch nicht. Und wir sollten nicht zulassen, dass diese Erfahrungen zu einem Stolperstein werden, die dafür sorgen, dass wir dann das Königreich von Christus nicht annehmen können. Aber genauso soll auch diese Unerfahrenheit uns zum Guten zum Guten sein, damit wir umso erfahrener im Königreich des Himmels sind. On doit vraiment faire attention parce que surtout les plus âgés, on a eu beaucoup des expériences, on a appris beaucoup de choses dans les péchés, on a eu beaucoup d'expériences dans cette vie et ces expériences quelquefois ça nous empêche à accepter ou à prendre les choses du royaume des cieux ou bien de marcher selon l'esprit ou bien d'apprendre la vérité et là on doit faire attention, on doit vraiment vouloir laisser toutes nos expériences derrière nous pour entrer facilement dans le royaume des cieux, pour être capable à accepter la vérité. Et c'est comme ça aussi nous les moins âgés qui n'ont pas des expériences, ça doit aussi être quelque chose de bien pour qu'ils puissent avoir dans l'esprit l'expérience. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We'll go to that of age later. Amen. Wir werden nochmal über das Alter sprechen. On va parler après de l'âge. Amen. Age should not be a barrier. Das Alter sollte kein Hindernis sein. L'âge, Jesus. L'âge doit, ne doit jamais être une barrière. The word of Christ is written to your spirit and not to your Wort body. Von Christus, there's no old age in your spirit. Das Wort von Christus ist an deinen Geist adressiert, nicht an dein Geburtsdatum. Parce que la parole de l'Éternel, il est adressé à ton esprit et pas à ton âge physique. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Abraham, he was more than 70 years when the Lord, when God said, leave your family house. The Lord knows his age. You know he was old, naturally. But he said, leave. War 70 Jahre alt, als er die Botschaft bekommen hat von Gott, dass er sein Vaterhaus verlassen soll. Und Gott hat nicht gesagt, ach, bei dem ist der Zug eh abgelaufen, er ist eh bei mir. Ich brauche mit dem gar nicht mehr reden, quatschen über Dinge, die er entscheiden soll. Nein, er hat zu seinem Geist gesprochen, deswegen ihm diese Anweisung gegeben. Par exemple, Abraham, il avait 70 ans quand il a commencé avec son ministère. L'Éternel n'a pas dit, ah oui, 70 ans, il est déjà trop âgé, je dois travailler avec quelqu'un qui a 25 ans, quelque chose comme ça. Non, parce que lui, il sait qu'il est en train de s'adresser à l'esprit. Et quand il s'agit de l'esprit, la chair n'est pas importante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Everything on earth. They are of two. Alles auf dieser Erde everything. Hat sozusagen einen Spiegel, hat sozusagen eine Gegenseite. Chaque chose dans ce monde a deux côtés en fait, ça comme un miroir. Earth is already here. Die Erde ist schon hier. Le monde, la terre est déjà ici. And Jesus came with heaven into earth. Und Jesus kam mit dem Himmel auf die Erde. Et Jésus-Christ est venu avec le royaume des cieux ici sur terre. Amen. Amen. It means two things are here, earth and heaven. Das heißt, zwei Dinge sind jetzt hier auf Erden, die Erde und der Himmel. Ça signifie que ici sur terre, il y a deux mondes, le monde du royaume des cieux et la terre. Amen. You know, religion have taught us that until you die you cannot Religion hat uns beigebracht, dass erst wenn du stirbst, dann kannst du im Himmel leben. La religion nous a appris que quand tu meurs, c'est là que le royaume des cieux commence, que oui. But Jesus came and said in Matthew 4, verse. Go, let's go there, please. Matthew 4. Mm-hmm. Praise Mais the Jesus Lord. Mais Jésus a dit à Matthieu 4. Matthieu 4. Praise the Lord. Amen. Matthew 4, verse 17. Matthieu 4, verse 17. Matthieu 4, verset 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is coming here. Das Königreich des Himmels kommt hierhin. Ici, Jésus-Christ dit que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. You are going to experience it here. Du wirst es hier auf Erden erfahren. Tu vas expérimenter le royaume you will live the life of heavenly life du wirst here. Das himmlische Leben hier auf Erden leben. Tu dois tu vas vivre le monde céleste ici sur Terre. Remember when he taught them how to pray, say, pray that thy will be done on earth as it is in heaven. Als er ihnen beigebracht hat zu beten, im Vater unser hat er gesagt, lehre sie beten, dass sein Wille wie im Himmel so auf Erden geschieht. Rappelle-toi qu'il a dit, il a appris aux disciples de prier que ta volonté soit faite ici sur terre comme aux cieux. Is somebody getting it? Mm. He will not tell us to pray for what he does not want to be here. Er würde uns nicht anweisen, für etwas zu beten, was er nicht hier haben möchte. Il va pas nous dire ou nous recommander de prier pour quelque chose qui n'est pas ici sur terre. Amen. Amen. And in Colossians we say we have been translated into the kingdom of his dear son. Amen. In Kolosser 1 steht, dass wir versetzt worden sind in das Königreich seines geliebten Sohnes. Et la Colossien nous dit qu'on a été transféré dans le royaume de son fils aimé et son fils aimé. He brought his kingdom to earth. Er brachte sein Königreich auf Erden. Il a emmené son royaume ici sur terre. It means two kingdoms on earth. Das heißt zwei Königreiche auf Erden. Ça signifie qu'il y a maintenant deux royaumes ici sur terre. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you do not know that, you cannot understand Christ. Wenn du das nicht weißt, kannst du Christus nicht verstehen. Et si tu ne sais pas ce fait ici, tu ne peux pas comprendre Jésus-Christ. You see everything as one. They du wirst alles one. Als eins sehen, aber es gibt immer zwei Seiten. Tu vas commencer à voir tout comme une chose, mais il y a toujours deux côtés. Praise the Lord. Hallelujah. In Revelation 12, he says, woe unto the earth, but rejoice you have come. In Offenbarung 12 sagt er, wehe der Erde, aber freut euch ihr Himmel. En Apocalypse 12 nous dit ici qu'on doit, il fait attention, il a dit que... Malheur.